Chapitre 11e. Clarté n'est pas lumière. Un changement inouï s'était opéré chez la duchesse depuis qu'elle aimait. Ce n'était plus la jeune femme folâtre, avide de plaisir, insouciante et rieuse. Adrienne était devenue presque contemplative, grave sans tristesse. C'était la femme qui a changé d'âme. Elle n'avait conservé d'autrefois que sa grâce charmante et sa délirante beauté. Adrienne avait été la poésie de la forme dans toute sa perfection. Maintenant, la poésie des contours se rehaussait de la poésie de l'âme, dont son corps était la plus exquise enveloppe. La perfectibilité de la forme décelait le souffle divin qui l'animait. La poésie païenne et la poésie chrétienne confondaient leur essence. L'amour inondait de ses clartés ce visage déjà si beau, et la passion qui parfois troublait l'harmonie de ses traits toujours si purs et si remplis de quiétude, en avait fait le type le plus accompli de la femme vierge. Adrienne, qui n'avait jamais eu de privation, qui jamais n'avait eu de sacrifice à faire, eût voulu pouvoir se priver, pouvoir se sacrifier, en un mot, être malheureuse pour celui qu'elle aimait. Se sentant aimée par cet homme qu'elle idolâtrait, rien ne lui eût coûté. Le seul coup qu'elle redoutait venait de la frapper. Le hasard lui avait appris que Gaston aimait une autre femme. Cette femme, cette maîtresse, elle l'avait vue. Elle lui avait parlé, et l'amant qu'elle adorait n'avait rien eu de plus pressé que lui donner l'anneau qu'elle, Adrienne, avait eu tant de bonheur à lui passer au doigt. Rentrée chez elle, la jeune femme s'enferma dans sa chambre à coucher et pleura abondamment. « Il ne m'aime donc pas, » soupira-t-elle. « Pourtant il me l'a dit. Il m'aime peut-être un peu. Un cœur de poète peut bien abriter plusieurs amours. Si j'avais seulement ma petite place, je n'ai pas le droit d'exiger la grande. » Je suis une égoïste, pardonnez-moi, mon Dieu, je ne méritais pas tant de bonheur. Mais pourquoi aussi n'a-t-il pas gardé la bague en souvenir de moi, ou seulement par bon cœur pour me conserver mes illusions? Un poète peut et doit avoir de ces petites délicatesses qu'on dit qui n'appartiennent qu'à nous autres femmes. Après tout, se doutait-il que je rencontrerais cette jeune fille? Non. Il ne m'aime peut-être pas autant qu'elle, mais s'il savait le mal qu'il m'a fait, il aurait compassion de moi. Je ne le reverrai donc plus. Pourquoi n'est-il pas venu? Il a probablement regretté ce qu'il a fait dans un moment de passion. Il a craint de paraître sans cette bague. Fatal anneau qui me prive de ma vie. S'il connaissait mon cœur comme il la courrait. Comme je serais heureuse de le revoir. Cette bague, je la lui ai donnée. Il avait le droit d'en disposer. Ce que je veux, c'est lui, son amitié. Moi, je n'ai le droit de lui demander autre chose. Je lui ai donné mon cœur, mon amour. Que faudrait-il de plus pour l'attacher à moi? Que ne voit-il ce qui se passe dans mon âme? C'est parce que je l'aime comme on aime les anges que je ne lui ai donné que mon cœur. Non, mon Gaston, je souffrirai pour toi et à cause de toi, mais mon souvenir voltigera toujours pur dans tes songes. » Adrienne éprouva un certain plaisir à sentir ses larmes lui brûler le visage. « Pourtant, je veux le voir, » s'écria-t-elle de nouveau. Puis elle tomba à genoux et se mit à prier. Combien de fois, depuis l'âge de 16 ans, ses genoux s'étaient-ils pliés pour l'oraison? Son ange invisible qui veillait eût pu le dire. Ils étaient si blancs et si satinés. Quelques instants après, elle sonna. « Je n'y suis pour personne, » dit-elle à sa femme de chambre. « Je ne me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos. Prévenez, monsieur le duc, que je ne descendrai pas pour dîner. » Brisée d'émotion, Adrienne s'étendit sur un lit de repos et s'endormit. 2 heures après, elle se réveilla. On venait de frapper à sa porte. Elle fut quelque temps sans répondre. L'insistance devenant plus vive, elle alla ouvrir. C'était la baronne de Neuburg. « Pardonnez-moi, ma charmante, si j'ai forcé la consigne. J'ai su que vous étiez un peu souffrante et j'ai voulu vous voir. Au reste, vos gens se sont bien doutés que l'ordre ne me concernait pas, car je n'ai pas eu besoin d'employer la violence. » Adrienne savait tout le cas qu'il fallait faire de l'amitié de Madame de Neuburg. Aussi son réveil lui parut-il douloureux. « Cette femme me portera malheur, » pensa-t-elle. « Voici une bonne nouvelle, duchesse. »« Et laquelle ?» fit Adrienne avec une précipitation que remarqua fort bien l'ami. « J'ai voulu être la première à vous l'annoncer, sachant combien elle vous remplirait de joie. Monsieur de Chénois accepte sa mission et part. » La baronne attacha sur la jeune femme son regard félin. « Vous ne pouviez me faire plus de plaisir, cher ami, » répondit Madame de Bussy-Hardin avec une expansion qui ne laissait aucune arrière-pensée. La jeune femme crut à un bon mouvement de son amie. Elle s'accusa de s'être méprise sur ses intentions et devint affectueuse. « Oui, ma chère, tout le monde l'engageait à partir, et j'ai donné le dernier coup de bélier à la place forte. Je l'ai dit que vous le haïssiez. »« Merci, bonne madame, moi qui croyais. »« Mais vous étiez une petite folle. J'ai tenu une ligne de conduite qui a pu vous surprendre, mais c'était simplement pour cacher les apparences. Me croirez-vous à présent, petite lutine ? Comme vous me rendez heureuse. Oh, non pas heureuse, car je ne le suis pas encore tout à fait, mais vous venez de faire beaucoup. Vous avez donc des chagrins ? Vous avez pleuré. Moi, j'ai dormi. J'étais fort lasse. Si vous voulez, je vous emmènerai dans ma voiture. Venez un peu vous distraire. Nous passerons la soirée ensemble. Merci. J'aime mieux être seule aujourd'hui. S'il allait venir pendant mon absence, se dit cette femme qui ne voyait que lui, ne pensait qu'à lui. Si fait, vous viendrez. Nous rentrerons dîner chez vous. Je m'invite sans façon. Puis, comme j'ai quelques amis ce soir, nous partirons toutes les deux. Le moyen de refuser, dit Adrienne, fascinée par les chatteries de cette femme. Il ne m'est venu ni lettre ni carte de la journée, demanda la duchesse à sa femme de chambre. Non, madame. Seulement à peine madame la duchesse se fut-elle enfermée qu'une jeune fille s'est présentée en disant qu'elle avait absolument besoin de lui parler. Et vous l'avez renvoyée ? Répliqua avec fièvre Adrienne. Oui, madame. Mais elle est revenue et, malgré ce qu'on a pu lui dire, elle prétend vous attendre. Où est-elle ? Probablement devant l'hôtel. On lui a dit que madame la duchesse était malade, qu'elle ne la recevrait pas aujourd'hui. Faites-la chercher et dites-lui de monter. Elle veut parler à madame en particulier. C'est bien, conduisez-la dans le petit boudoir. La domestique disparut. Le cœur d'Adrienne battait violemment. Sans prendre congé de la baronne, elle descendit dans le petit appartement que nous connaissons. La jeune fille entra presque en même temps qu'elle. C'était la fleuriste du matin. « Madame, » dit-elle en rougissant et les yeux humides, « j'ai commis ce matin une mauvaise action. Je veux la réparer et vous demander votre pardon. Cette bague, » continua-t-elle en tirant de son sein le saphir, « ne m'appartient pas. Elle m'a bien été donnée, mais j'ai menti en nommant Monsieur Gaston d'Erfurt. Je ne le connais même pas. « Qui donc vous l'a remise ?» dit Adrienne en prenant la main de la jeune fille. Une femme âgée est venue me retrouver l'autre jour et m'a dit que si je voulais faire en sorte que vous vissiez cette bague à mon doigt, et qu'en outre, si je trouvais le moyen de vous dire que je la tenais de M. d'Erfurt, elle m'appartiendrait. Le désir de la posséder m'a fait venir vous trouver sous le prétexte de vous offrir des violettes. Par coquetterie, j'ai dit que M. d'Erfurt était mon amant et qu'il me l'avait donnée. Mais à peine ai-je commis cette mauvaise action que j'en ai aperçu toute la noirceur. Puis je vous ai vue si malheureuse. Aussi n'ai-je pas eu de repos que je ne vous ai tout dit. Oh, madame, pardonnez-moi. » La jeune fille tomba à genoux, Adrienne la releva et l'embrassa avec effusion. « Je vous pardonne. Je veux de plus vous donner mon amitié. On vous a trompé. Vous avez été l'instrument d'une méchanceté. Voilà tout. Mais connaissez-vous la personne qui vous a poussé à cela ? Non, madame. On m'a appris seulement, ajouta-t-elle en baissant la tête, que vous aimiez un monsieur de ce nom et que si vous voyiez cette bague au doigt d'une autre, vous ne l'aimeriez plus. Mais j'ai bien vu que vous l'aimiez toujours et que je vous avais fait bien souffrir. » Ce n'était donc pas lui qui l'avait donnée, pense Adrienne, en regardant la bague et sans chercher à démêler les circonstances par lesquelles il l'avait quittée. Probablement qu'il ne vient pas parce qu'il ne l'a plus. Il l'aura perdue. Mais comment ceux qui l'ont trouvée ont-ils su et pourquoi ont-ils choisi cette jeune fille ? Parce qu'elle est fleuriste, et ils ont combiné tout cela d'avance. Mais qui, eux ? Un étrange soupçon traversa l'esprit de la duchesse. « Si c'était elle, » murmura-t-elle, « toujours cette femme, mais que lui importe après tout que je l'aime ?» Pendant ces quelques mots entrecoupés sans suite pour elle, la petite fleuriste était tout entière à son admiration pour cette ange-femme, si belle et si bonne. « Voulez-vous rester avec moi ? » lui dit Adrienne. « Je veux tout pour réparer ma faute. »« Bah, pauvre enfant, tu étais inconsciente de la douleur que tu me faisais éprouver, mais tu viens de me causer tant de joie. Il ne faut plus penser à ce qui s'est passé. Tiens, voici un petit denier à Dieu. » Adrienne ôta un brillant qu'elle avait et voulut le lui donner. « Jamais !» s'écria la fleuriste. « Les belles bagues portent malheur. »« Prends celle-ci, Elle n'est pas comme les autres. Elle te servira de talisman. Tu prieras pour moi. Et quand viens-tu à mon service ? Je suis aux ordres de madame. Et tes parents ? Je n'en ai plus. Embrasse-moi, je t'en servirai. Mais tu m'aimeras bien. Tu demeures ? Rue du Helder. La duchesse porta la main à son cœur et pâlit. Je crois comprendre, fit-elle. Puis, comme l'image de Gaston était toujours présente, elle se demanda de nouveau pourquoi il ne venait pas. Qui pouvait donc le retenir ? Le plus tôt sera le mieux, reprit-elle en souriant à la fleuriste. L'inquiétude d'Adrienne avait changé d'objet. Elle ne craignait plus de ne pas être aimée, elle craignait pour l'objet aimé. Elle dissimula son trouble et son agitation intérieure et sortit avec la baronne comme il avait été convenu.